respirer. J'ai plus de parents, plus d'amis. Le poison m'a bouffé ma dignité. Et je suis raide si j'ai la rage. Et je suis raide englué. Et je suis raide si j'ai la rage. Et je suis raide englué. Matin, poids se casse et cloué sur la chaussée. Entre deux mondes, ma tête frappe le fer d'une enclume. Dans mon brouillard, je chante la complainte du bitume. Pour trois peu morts, seuls compagnons qui m'ont servi d'oreiller. Des pieds dansent, frappent en cadence. Parfois se fiche, se tourne vers moi. M'accuse, me toise, oui, je suis maudit. Oui, je renie les étoiles. Mon purgatoire, mon paradis. Comme un cafard pris dans une toile. C'est un sac plastique, un bain de vapeur doux et violent à la fois. C'est une garce. Mes vêtements puent la honte. Et je porte les plaies du passé. Pour une main tendue, j'ai jamais rien pu encaisser. Du riz, de la colle, dans ce monde j'ai vendu ma place. Je rêve toujours qu'avec ma rage je pourrais déchirer les titans. Vaincre un empire, boire l'or des rois. Coucher les reines, écraser Dieu. Déraciner les tours d'ivoire. Trancher les lois d'un claquement de doigts. Voler le feu. Mais mes mains tremblent. Mon regard se vide, je suis en manque et j'ai plus le temps. Mais mes mains tremblent, mon regard se vide, je suis en manque et j'ai plus le temps.